fini. Oh, oh, oh, oh. Ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui et je te crie. Oh, de planches de bois, un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut tous y faire de la musique et refaire famille. Et on va la vie, faire citer le soleil. Et on va la vie, musique et toi c'est pas vrai. Et on va la vie, et on dit qu'il est beaucoup. Et on va la vie, dit beaucoup, dit beaucoup. Mais du ciel et la terre, c'est là. Conspiration.

Rebels. The clandestine. Regardez-moi de travers, je prendrai la pause. Moi je les aime, mes travers. Donnez les vôtres, j'en ferai quelque chose. Au travers de chacun s'installe des choses, traversez donc vos travers, découvrez vos névroses, découvrez-vous et l'envers, et trouvons la cause. C'est en connaissant nos travers que vient la métamorphose. Au travers, aux manies,

tout pas tout dit, le monde entier dépend de nous. Les stars fragiles, les mondes aussi, on devient fou. Tout pas tout dit, mais la vie m'est prête, elle a bon dos. Oh oh. Ne voir que toi, rien qu'une fois, rend tout plus beau. Regarde-moi, être ou pas, c'est n'être pas. C'est peut-être chic de faire du top. Tac, tout tac, c'est l'air du top, c'est non. Bon, c'est peut-être chic, c'est l'air du top. Pour l'authentique, on traque du stop. Du tac au tac, changeons d'époque. Oh oui, dis-moi. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. L'amour, le loup est risque. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. Et plus mon cœur suscite. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque. Dis-moi oui, mais non. Que mon Dieu que c'est non. Sans toi, mon cœur suscite. Quand il est allongé sur le dos. La nuit se couche, les yeux rougis, l'eau plus morose. Tout pas tout dit, si la vie est gaine, tout va à l'eau. Oh oh. Au bâton libre, choix de vie me fait défaut. Regarde-moi, être ou pas, c'est n'être pas. C'est peut-être chic de faire du toc. Tac, tout tac, c'est l'air du toc, c'est non. Bon, c'est peut-être chic, c'est l'air du toc. Pour l'authentique, on drague du stock. Du tac au tac, changeons d'époque. Oh oui, dis-moi. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. L'amour, le loup est risque. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. Et plus mon cœur se fixe. Dis-moi oui, mais non. Ne dis plus jamais non. L'amour, mon loup se risque. Dis-moi oui, mais non. Dieu m'en Dieu que c'est long. Sans toi, mon cœur se fixe. Quand il est allongé sur le dos. L'amour en tout plus beau.

qui ne sont que bandits, qui sont la perdition. Chez moi, tout fonce des tout gros qui pèlent un chat aux abois, me frottant sur les murs, me collant contre toi, et ça perd dans ma tête. Mais tout disparaissait. J'ai passé mon hiver sous les UV. T'étais sous ta couette, je faisais fructifier. J'ai eu l'honneur de rencontrer quelqu'un, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a des biens. On repart encore cette année. Ils annoncent 35 degrés, il y a des vols directs à 2 heures du paradis. On pourra partager des cocktails en regardant les yachts et en s'imaginant Tom Cruise à l'intérieur. Tom Cruise en peignoir à manger des homards. T'imagines, Tom Cruise à 2 mètres, on n'a jamais été aussi près. Bientôt c'est moi qui signerai des autographes à mes employés. T'imagines, Tom Cruise à 2 mètres. Faire bosser toute l'année, toute cette bande de smicards. Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébar. Prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. S'organiser des vacances dans des clubs de connards. Et faire bosser toute l'année, toute cette bande de smicards. Peigner les gosses, prendre la voiture, abandonner le clébar. Prendre l'avion avec selfie en guise de souvenir. We'll be right back.